À l'occasion de la nouvelle année 106 du Juche 2017, le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a offert le 25 un banquet en l'honneur des représentants diplomatiques et des institutions internationales en Corée. Y ont également pris part le ministre coréen des Affaires étrangères Lee Soo-yong et autres diplomates coréens.